M'habite à Paris, moi à Miramas et May à Toulon et qu'on a répété ce matin. Donc forcément. Vous allez assister à la répétition générale. Voilà. Ceci est la générale. C'est la générale, la première et la couturière en même temps. Attends. Éteignez vos portables. Voilà. Merci de rallumer vos portables à la fin du spectacle. Reuilly. Dans sa modeste bicoque, le vieux monsieur est sur le point de tirer sa révérence au monde. Dans sa main, une seringue, prêt à se faire l'ultime injection, un produit à base de morphine. À côté de lui, Négro, son vieux compagnon, un chien cocker âgé de 19 ans, sourd et aveugle. Il hésite, mais le vieux n'est pas du genre à reculer devant l'épreuve. Il en a connu d'autres. Il n'est pas désespéré. Aucune amertume, non. Pas d'apitoiement. Il part simplement parce qu'il l'a décidé. Librement. Tous ceux qui connaissent Jacob étaient prévenus de cette fin prochaine. Mais beaucoup prenaient ça pour une galéjade de Marseillais. Salut les potes, il n'y a plus de loupiote. J'ai trop servi. Hasta la vista, ma décision est prise. Marius, s'il te plaît, ne pars pas. Oh Jo, mais qu'est-ce que tu connais d'abord de ma vie? Tu ne peux pas partir comme ça. Je ne donne à personne la possibilité de décider pour moi. Je veux rester libre et responsable de mes choix et de mes actes jusqu'à l'ultime seconde de cette existence. Eh bien justement, cette vie, tu ne peux pas la raconter à moi. Bah, si tu veux, viens. Je t'emmène dans mon passé, mais je te préviens, ça castagne. Nous voilà en 1885, à l'aube de la belle époque. Marseille, son vieux port. Des personnages hauts en couleur. Alors dis-moi, Marius, c'était comment ton enfance à Marseille? Bah, mon père travaillait comme boulanger. Il était brave, mais il tapait dans le perno. Quand il rentrait, ça sentait l'anis. Ça ne coûtait que 3 sous au comptoir. Vaille, je la connais cette odeur. Il avait le vin méchant, il répondait aux reproches par des coups. Tu étais voyou? Ah bah je ne gaminais pas dans les rues, j'adorais ma petite mère, Marie. Quand elle se disputait avec le père, je m'asseyais sur ses genoux pour l'embrasser et je pleurais dans son cou pour la consoler. À 11 ans, tu as obtenu ton certificat d'études. Ah bah... Mal. Je vivais d'aventure par imagination. Je jouais sur le vieux port, j'écoutais les histoires de marins, puis je lisais et relisais les aventures de Jules Verne. J'adorais ces histoires de voyage, tu penses, Marseille, les bateaux. Alors, c'est tout naturellement que j'embarquais à la première occasion comme mousse le 22 février 1890. À 11 ans? Eh ben, c'est courant à l'époque. Hein. Le certif en poche, les enfants se débrouillent. J'étais mousse à bord du Tibet. C'est là que j'ai découvert l'Afrique occidentale avec les escales d'Oran, Dakar, Libreville, Cotonou. À terre, je ne dépensais pas ma paye. Je gardais tout pour ma mère. J'ai pris goût à naviguer. Je prenais des leçons d'hydrographie pour passer mes diplômes de navigation. Les officiers m'aidaient. À 12 ans, tu as embarqué sur la ville de La Ciotat. J'étais dans tous ces voyages le novice du capitaine. J'ai découvert Djibouti, les Seychelles, Melbourne, la vie au grand air, quoi, enfin, les embruns, l'océan. Au large de Melbourne, j'ai même subi mon premier naufrage. Enfin, et puis le matelotage, tu sais, un petit minot de 13 ans, ça plaisait bien à certains adultes. À l'époque, ça faisait partie du contrat d'engagement comme mousse. Alors j'ai dû défendre mon honneur, tu comprends? Alors j'en ai eu ma claque. J'ai déserté à Sydney. Et je suis revenu chez moi en France, à Marseille, comme une fleur. Déserteur à 13 ans. Tu avais quelques prédispositions? Bah oui. J'ai même été gardien de phoque, embarqué sur un bateau pirate. J'étais minot, mais dans mon coin, j'observais. J'ai vu le monde sans déguisement ni mensonge, et cela à un âge ou à une époque où l'on voyage très très peu en dehors de l'armée. Alors, ton enfance, c'était encore l'époque des voitures à chevaux et de l'éclairage au gaz. La découverte du monde alors que j'étais enfant m'a marqué. J'ai vu les détournements de marchandises, les trafics d'esclaves, l'étalage de la misère, le fonctionnement des castes, la hiérarchie des races, la mécanique des classes, la guerre de ceux qui ont tout contre ceux qui n'ont rien, et le vol des officiels, tout n'est que mensonge de prêtre, hypocrisie des colonisateurs. En somme, tu as fait tes universités en pleine mer, et ton campus a été les 5 continents. Ouais. Mais l'intérêt, c'est que j'ai fréquenté ces gens-là de très près. À vrai dire, j'ai vécu avec eux et je les ai vus de l'intérieur, tu comprends ? J'ai compris que sous toutes les latitudes, la société des hommes est vérolée. Vois-tu, les dominants sont faibles et ne prospèrent que parce qu'ils sont protégés par la loi, la religion et le droit de propriété. Sous leurs costumes et leurs grands airs, ce ne sont qu'un ramassis de pauvres types, peu intelligents, incultes, sales intérieurement et sans principe. Ce fiel que tu as amassé toute ton enfance au contact des hommes, tu vas le convertir en une révolte qui ne s'éteindra jamais et qui va s'exprimer à l'âge adulte par une guerre sociale sans merci contre la bourgeoisie et ses CI. Une guerre que je vais décider seule. Bon, n'allons pas trop vite. Pour l'instant donc, nous sommes de retour à Marseille. Tu viens de débarquer chez ta mère pour cause de maladie. Tu as 16 ans. Et oui, je suis devenu maigre, pâle, avec une mauvaise toux. Et la vie commence mal. Adolescent, avec tous ces voyages, j'ai ramené les fièvres d'Afrique. J'ai dû rester à terre, je ne pouvais plus prendre la mer. Ma période de marin était terminée. Et qu'as-tu fait ? Je suis entré comme typographe dans une imprimerie rue de la République, là près du boulevard des Dames. La typographie, ça sent l'odeur des livres. Je gagnais 30 sous par jour et ne dépensais rien. Je ne buvais pas. Je m'abreuvais d'une autre boisson que le Pernod, la littérature. Après le déjeuner, je montais dans la chambre de mon cousin Gaston. Je dévorais des livres qui parlaient de révolution et de justice sociale. La presse parlait beaucoup des anarchistes. Il suffisait de tendre l'oreille et tu entendais dans la rue... Demandez la dernière édition, Le Petit Parisien. Tous les détails de l'exécution de Ravachol. Le couperet est tombé au moment où il criait « Vive la révolution !» Auguste Vaillant lance une bombe depuis la tribune de la Chambre des députés pour venger Ravachol. Dernière édition, le président de la République, Sadi Carnot, meurt poignardé par l'anarchiste Caserio. L'impératrice Sissi, elle aussi poignardée par l'anarchiste italien Luigi Lucchini. Alors dis-moi, Marius, à 16 ans, tu as abandonné une vie de matelot que tu aimais bien à cause des voyages. Et ouais, je restais couché et soigné par ma petite mère Marie. C'est là, vois-tu, que je me suis émancipé, en lisant beaucoup et seul, et en choisissant mes lectures. C'est dans les livres que tu as pu donner un nom à la colère qui te brûlait. Jusqu'à présent, je ne savais pas ce que j'avais là, mais ça me faisait mal. Et plus je lisais Bakounine, Kropotkin, Louise Michel, plus je comprenais ce que j'avais. Tu étais révolté. Et voilà. C'est de ça que j'étais malade. Dès que tu peux mettre un nom sur ton mal, tu n'es pas guéri, mais tu sais pourquoi. Au fond, ta maladie a été une chance. Alité, j'ai lu tous les livres que je voulais. Il y a un passage de 93 de Victor Hugo qui m'a impressionné. Attends, je me souviens encore. D'abord, supprimer le parasitisme. Le parasitisme du prêtre, le parasitisme du juge, le parasitisme du soldat. À cela, tu ajoutes le parasitisme du notaire, le parasitisme du banquier, le parasitisme de l'industriel, le parasitisme du rentier. Ton programme était tout trouvé. Exactement. J'allais faire la guerre à toutes ces trois grandes institutions que sont l'État, l'armée et la religion. Vaste programme. C'est là, je crois, que tu t'es découvert anarchiste. Et comment es-tu passé à l'action ? Il y avait des attentats partout. L'apparition de la dynamite, ça nous a tous monté à la tête. On s'est dit que c'était l'outil de démolition révolutionnaire par excellence. Je me suis laissé emporter par l'ambiance générale. Alors j'ai un peu utilisé l'explosif, mais pour faire comme les autres. C'était la mode à cette époque. La propagande par le fait. Eh ouais, on fait tout sauter et après on discute. Mais moi, après toutes ces lectures, j'étais pressé de passer aux actes. Et qu'est-ce que tu as fait ? Un dimanche d'élection, j'ai fait sauter les urnes. Mais j'ai été dénoncé par l'indic qui m'a fourni des explosifs et je me suis fait poisser comme un bleu par un commissaire. Tu as été arrêté et condamné à 6 mois de prison. 17 ans, quand je suis sorti de prison, j'ai trouvé du travail. Mais le commissaire faisait une petite visite de politesse à mes patrons et les menaçait. Conclusion, tes employeurs te mettaient à la porte en apprenant tes antécédents. Voilà. Et tu ne pouvais plus travailler. Eh ben non, le travail, je ne pouvais plus. La mendicité, il n'en était pas question. Restait le vol. Et voilà. C'est là que j'ai commencé ma nouvelle vie de travailleur de la nuit. Tu comprends ? J'étais révolté de voir ces messieurs de la maréchaussée harceler ma mère. Alors voilà. Je suis un pauvre travailleur, pas plus méchant que tous les autres. Je suis sûrement meilleur, cher patron, que beaucoup des vôtres. Mais c'est mon métier qui veut ça, et ce n'est pas ma faute en somme. Si j'use chaque jour mes bras à préparer la mort des hommes. Pour gagner mon pain, je vends, je fonds des canons qui tueront demain si la guerre arrive. Que voulez-vous ? Faut bien qu'on vive. Je fais des outils de trépas et des instruments à blessure, comme un tisserand fait des draps et le cordonnier des chaussures. Redonnant une chanson où l'on aime toujours sa blonde. C'est ça ou être un vagabond qui tend la main à tout le monde. Pour gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain si la guerre arrive. Que voulez-vous ? Faut bien qu'on vive. Puis je suis aussi de ceux qui partiront pour les frontières, lorsque rougira dans les yeux, dans les cieux, l'aurore des prochaines guerres. Là-bas aux canons ennemis qui seront les vôtres, mes frères, il faudra que j'expose aussi ma poitrine d'homme et de père. Pour gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain si la guerre arrive. Que voulez-vous ? Faut bien qu'on vive. Ne va pas me maudire, toi, qui dormiras un jour peut-être ton dernier somme auprès de moi, dans la plaine où les bœufs vont paître. Vous dont les petits grandiront, ne me maudissez pas les mères. Moi je ne fais que des canons, ce n'est pas moi qui les fais faire. Durant tes 3 années d'activité des travailleurs de la nuit, tu n'as eu aucun problème ? Oh bah, tout était parfaitement organisé. On a cassé je ne sais combien d'églises, de villas, de maisons bourgeoises. Plus de 150 cambriolages répertoriés. Non, il y en a beaucoup plus, mais... Chut. À la cause, tu versais 10%. Ouais. Mais dis donc, tu veux que je te raconte mon premier coup ? Oh ben, bien sûr ! Tiens, ça s'est passé juste à côté d'ici, le 1er avril 1899. Un 1er avril ? Ben, oui. Mais c'est une farce ! Et tu n'avais que 20 ans ! Ah ben, qu'est-ce que tu veux quand on a la vocation, hein ? Un matin, un prêteur sur gage du Mont-de-Piété, de la rue Saint-Jean, là, à Marseille, voit débarquer 4 personnes chez lui, correctement vêtues, dont l'une, ceinte d'une écharpe, se prétendant commissaire de police, qui exhibe une commission rogatoire. Non, c'était toi ? Non, j'étais trop jeune pour faire le commissaire. Police ! Commission rogatoire, nous voulons perquisitionner. Qu'est-ce que ça signifie ? Oh, la ferme, si c'est moi qui pose des questions, hein, ton compte est bon, mon gaillard ! Mais c'est une erreur ! Allez, ça va, on sait à qui on a affaire, hein, alors. Vous êtes mêlé à une sale affaire, mon petit gars, hein. Moi, mais... Je peux voir votre mandat. Oh, tiens donc, le mandat. Écoutez-le, non mais il connaît son droit, l'oiseau. Tiens, le voilà, ton mandat. Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur le commissaire ? Vous possédez une montre qui fait partie d'un vol après un quadruple assassinat. Non, c'est pas possible. Si, vous n'êtes pas encore accusé de complicité, mais... Mais ? Je vous conseille de ne pas nous gêner dans l'accomplissement de notre mission. Hein. Mon Dieu, que faut-il faire, monsieur le commissaire ? Eh ben, vous sortez tous vos bijoux, vos cailloux, l'argent, les billets, allez, hop, mettez-moi tout ça à l'air et que ça saute. Oui. Allez, ouvrez tout ça, là, les coffres, les tiroirs, la commode, tout. Oui, mais je suis innocent. Oh, bon, ça, on verra, hein. Voilà, les livres des comptes, tout ce que vous voulez. Vous prendrez bien un petit café. Non, jamais pendant le service. Oh ben, vous en avez de la coquerie. C'est le gendarme qui parle. Bon, voilà. C'est quand tu veux, tu enchaînes. Oh. Alors on reprend. Jamais pendant le service. Oh ben, vous en avez de la coquerie. Oh, monsieur le commissaire, des dépôts, des gages que nous prenons en échange de prêts. Taratata, on connaît la chanson. Dites à votre épouse qu'elle dépose de tout ça sur la table. Les broches, les montres, l'or, les lingots, tout. Une montre en or avec sa chaîne secrétaire notée, un pendentif en diamant. C'est noté, chef. Et ça a duré comme ça pendant des heures. Le prêteur nous a tout déballé. Et une fois que vous avez terminé? Ah ben j'ai dit à l'usurier, bon, on vous signe un reçu parce qu'on vous emmène tout ça à la vérification. Hein. Si tout est en ordre après examen du parquet, on vous rendra les pièces, sinon vous risquez fort la prison, gredin. Il s'agit d'une méprise. Ah, ça va. Passez les menottes au prévenu, nous l'emmenons au palais. Au palais? Et pourquoi? Je n'ai rien fait. Ah ben vous ne faites rien? Ah ben vous gagnez votre vie comment? Je suis perdue. Eh ben voilà, vous allez être entendu par le juge d'instruction. Aïe! Vous me faites mal! Mais ce n'est pas moi, je vous le jure que je suis innocent. Allez, prenons un taxi et allons au palais avec cet individu. Vous êtes plus courageux quand il s'agit de débrouiller les pauvres gens. Hein. Vous pensez vraiment que je vais aller en prison? Oh ben vous savez, moi je suis que débutant dans la maison, mais d'après ce que j'ai entendu ce matin, vous semblez en mauvaise posture. Hein. Le juge parlait de complicité d'homicide, enfin vous allez le savoir, nous voilà arrivés au palais. Et tu as vraiment emmené ce pauvre type jusqu'au palais de justice? Ben oui, jusqu'à la porte du juge d'instruction. Attendez là, que j'ai dit. Je vais voir si le juge peut vous recevoir tout de suite. L'usurier a attendu des heures. Le temps passant, il a paniqué, craignant le pire. Cette fois, il était certain d'avoir commis à son insu une sorte de crime. Voyant sortir le juge du bureau... Monsieur le juge, pitié! Oh, c'est vrai, j'en ai mis un peu de côté. J'ai triché, mais j'ai de la famille. Et je veux bien payer une amende. Mais je veux pas aller en prison. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire qui est cet Ulu Berlu? Laissez-moi, monsieur le juge. Je ne veux pas aller en prison. Oh, expliquez-vous, je vous arrête. Encore? Oh mon Dieu, mais ils veulent tous m'arrêter. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais parlez, alors, qu'est-ce qu'il y a? Que parler? Mais je n'ai rien à dire, je ne sais rien, c'est le commissaire. Mais quel commissaire? Le commissaire? Voyons, le monsieur avec l'écharpe. Hein? Et hein? Il m'a dit d'attendre là, hein? Et que je ne devais pas bouger sous peine de poursuite. Oh, bah voilà, alors voyant qu'il était déjà tard dans la journée, ne comprenant rien au propos du bonhomme, le juge a appelé deux agents et leur a dit « Mettez-moi ça, tout ça en cellule, on verra ça plus clair demain. » Oh, pitié! J'avoue tout. J'ai triché. J'ai vendu des emprunts russes. J'ai volé l'État. Non, pas la prison, pitié, pas la prison. Pour un coup d'essai. C'était un coup de maître. Et c'est toi qui as mis en scène cette fausse perquisition. Ah bah alors, lorsque le poteau rose a été découvert le lendemain, on était tous quatre à Barcelone en train de faire la sieste. La presse marseillaise fit ses choux gras de cette affaire. Un poisson d'avril hors du commun. Et ensuite? Bah ensuite, on a dévalisé les églises, les hôtels particuliers sur la Côte d'Azur, le casino de Monte-Carlo. Ah oui, c'est là. Au casino, tu as simulé une crise d'épilepsie. Et pendant ce temps, ton complice raflait la mise. Et oui, et j'ai été dénoncé et condamné à 5 ans de prison. Ensuite, tu as simulé une crise de folie pour être interné à l'asile de fous d'Aix-en-Provence. Au fait, pourquoi? Bah pour m'évader, pardi. J'avais un complice parmi les infirmiers. Bon, tu aurais pu t'arrêter là. Bah, j'ai rencontré Rose sur la Canebière, au cours d'une réunion politique qui a tourné en pugilat d'ailleurs. Ah, la plus belle des prostituées, Rose. Elle faisait le tapin comme une reine sur la Canebière. Elle était belle comme une chanson de Bruant. Que faisait-elle dans la vie? Bah, elle vivait de ses charmes, qu'elle avait grand d'ailleurs. Nous voilà partis dans une histoire d'amour à côté de ma Marseillaise. Casque d'or peut aller se rhabiller. Hein. C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. Non, N'empêche qu'aujourd'hui je suis dans le tas à Saint-Lazare. Et pendant ce temps-là, toi vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un linvet à Saint-Lazare. Va-t'en trouver la grande nana, dis-lui que j'ai pris de casquer pour moi. Je lui rendrai ça à ma sortie. Surtout il fait pas de boniment pendant que je me marre et que je bois des médicaments à Saint-Lazare. Et puis mon petit homme boit pas trop, tu sais que t'éteignes. Et quand t'as un petit coup de sirop, tu fous la beigne. Si tu te faisais coffrer un soir dans une bagarre, y'a plus personne qui viendrait me voir à Saint-Lazare. Finis ma lettre en t'embrassant, adieu mon homme. Bien que tu sois pas caressant, moi je t'adore comme. J'adorais le bon Dieu comme papa quand j'étais petite. Et que j'allais communier à Sainte Marguerite. Donc mon programme se résume à un point. Article 1, le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Et s'ils ne veulent pas vous le laisser prendre, eh bien il faut le voler. L'article 2 ? Mais d'abord, le vol n'est pas une fin et c'est juste l'instrument de la révolution. Pourquoi voler ? Parce qu'il y a 3 manières de gagner de l'argent. Le travail, le vol et la mendicité. Combine les 3, tu as l'État. Tu as recruté une bande ? Et Rose t'accompagnait dans tes expéditions. Le plus étonnant pour l'époque a été la modernité et l'invention de tes techniques de cambriolage. On peut presque dire que tu as élevé l'activité au niveau d'un art. J'ai eu l'idée de diviser le pays en 3 grandes zones géographiques. Nous changions de région après chaque coup, et uniquement en province. Ah bon ? Pourquoi ? Paris est bourré d'indicateurs. Et les flics étaient déjà très bien équipés à Paris. De plus, en province, les policiers ne pouvaient pas centraliser les informations. En tout cas, pas aussi rapidement qu'à Paris. C'est donc toi qui as mis au point la technique du cambriolage dit scientifique. Ça a consisté en quoi ? Juste en 2 ouvrages que tout le monde peut se procurer. L'indicateur des chemins de fer, qui permet les plus subtiles acrobaties si tu sais lire les horaires. Et le bottin mondain. Le bottin mondain. C'est la providence des déménageurs nocturnes. Les riches sont vaniteux, ils sont fiers d'y étaler leurs châteaux, leurs tableaux, leurs bibelots. Ça faisait tellement rêver qu'on n'avait qu'une idée, aller vérifier sur place la marchandise. La réussite d'un coup dépend de notre rapidité. Moins on est présent dans la ville, moins on peut nous repérer. Donc, on prend le train le matin, on arrive le soir vers 20h, on prend un petit dîner. Un compère avait posé des marques sur les maisons vides. On n'avait plus qu'à chercher les bonnes marques. On opère toute la nuit à pied. Et au petit matin, on rentre tranquillement par le premier train, ni vu ni connu. Lorsque les victimes se rendent compte de notre visite, personne ne se doute qu'on est à des centaines de kilomètres. Nous étions déjà rentrés au bercail, tranquilles comme Baptiste, au chaud, dans nos lits. Tandis que les flics, eux, battaient la campagne. Eh oui. Rapidité, efficacité, discrétion. Pour ne pas être dénoncé, la meilleure solution est de ne jamais être reconnu. Et c'est pour ça que tu prenais soin d'apparaître toujours sous un déguisement ? On avait une vraie garde-robe, très complète. Des uniformes, même des costumes de policiers. On se grimait en ouvrier ou en voyageur de commerce. Ou en prêtre. On avait plusieurs jeux d'identité et des passeports et même tout un jeu de décoration. Ah bon ? Oui, les médailles, ça fait toujours plus chic. Ça frime le Pékin. Tu as tellement poussé le souci du perfectionnement que tu es même devenu conseiller expert auprès de la Lloyd en Hollande. C'était pas un peu exagéré, ça ? Non, c'est normal. J'étais expert dans la protection des appartements et dans la qualité des coffres-forts. Et l'histoire du crapaud, c'était quoi, ça ? Ah, t'as entendu parler de ça cet après-midi, toi ? J'ai... J'avais remarqué qu'un guetteur dehors à minuit dans la rue déserte, c'est pas discret. À chaque fois qu'on partait en excursion, j'avais eu l'idée de me munir d'un crapaud. Un vrai crapaud ? Oui, tu laisses la petite bête à côté de la maison visitée. Tant que le crapaud ne fait croac, croac, t'es tranquille, il n'y a personne. Dès qu'il s'arrête, c'est signe qu'il y a un danger. Bah, une alarme quoi. Et ouais. Prince des montants, l'air et de la cambriole, toi qui eus le bon goût de choisir ma maison, cependant que je colportais mes gaudrioles, en ton honneur j'ai composé cette chanson. Sache que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fit bien fermer la porte en repartant, de peur que des rôdeurs n'emportassent le reste. Les voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps. Tu ne m'as dérobé que le strict nécessaire, délaissant dédaigneux l'exécrable portrait que l'on m'avait offert à mon anniversaire. Quel bon critique d'art, mon salaud, tu ferais. Autre signe indiquant toute absence de tare, respectueux du brave travailleur, tu n'as pas cru descendre de me priver de ma guitare. Solidarité sainte de l'artisanat. Pour toutes ces raisons, vois-tu, je te pardonne, sans arrière-pensée, après mûr examen. Ce que tu m'as volé, mon vieux, je te le donne. Ça pouvait pas tomber en de meilleures mains. D'ailleurs, moi qui te parle avec mes chansonnettes, si je n'avais pas dû rencontrer le succès, j'aurais tout comme toi pu virer malhonnête. Je serais devenu ton complice, qui sait. En vendant ton butin, prends garde au marchandage, ne va pas tout lâcher en solde aux receleurs. Tiens-leur la dragée haute en évoquant l'adage qui dit que ces gens-là sont pis que les voleurs. Fort de ce que je n'ai pas sonné les gendarmes, ne te crois pas du tout tenu de revenir. Ta moindre récidive abolirait le charme. Laisse-moi, je t'en prie, sur un bon souvenir. Monte en l'air, mon ami, que mon bien te profite, que Mercure te préserve de la prison. Et pas trop de remords, d'ailleurs, nous sommes quittes. Après tout, ne te dois-je pas une chanson? Post-scriptum, si le vol est l'art que tu préfères, ta seule vocation, ton unique talent, prends donc pignon sur rue, mets-toi dans les affaires, et tu auras les flics même comme Chaland. Tout a très bien fonctionné jusqu'à cette nuit du 21 avril 1903. Bah, la vie, c'est jamais comme dans les romans. Il pleuvait cette nuit-là à Abbeville. Bourg, l'un des camarades de travail, n'avait pas pris d'impair. Il voulait absolument qu'on se dépêche d'entrer dans la première maison venue pour en avoir un. Ça a été le casse de trop, celui de la poisse. Tu sais, celui où tout s'enchaîne en une mécanique folle qui te conduit à la catastrophe. Tu te sens comme dans un sac. Et plus tu bouges pour t'en sortir, plus les nœuds se resserrent. Un de tes acolytes a tué un agent de police au cours de l'arrestation. Oh, bah, légitime défense. Hein. N'empêche, on était bon pour la planche à bascule. Hein. T'as le bonjour de la veuve. Pourtant, tu t'en étais toujours sorti avec un peu de bol. Ah, mais scout, hein. Ce coup-là, putain d'Adville. Hein. Et l'instruction a duré 2 ans jusqu'au procès de 1905. dernière édition, arrestation sensationnelle de Jacob, le prince des voleurs, les bandits d'Abbeville. La bande des travailleurs de la nuit démantelée, une affaire monstre. 2 ans d'instruction, 23 accusés, 1 200 000 francs volés. Une merveilleuse organisation, les travailleurs de la nuit. Pendant ton procès, il y avait un spectateur très attentif. Ah bon, qui ça? Parmi les reporters figure un certain Maurice Leblanc, celui qui va écrire les aventures d'Arsène Lupin. Ah non, ça a été démenti cet après-midi. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. C'était l'époque, c'était la mode à l'époque de récupérer les faits divers anarchisants de l'illégalisme pour en faire des feuilletons, gagner du fric. Chéri Bibi, Fantomas, les pieds nickelés, Arsène Lupin et hop. De plus, les lois scélératives de 1893-1894 interdisaient l'apologie de la violence. La police, bras armé de la bourgeoisie, auxiliaire et maître d'œuvre de la répression, était une entreprise de criminalisation des mouvements sociaux. Bon, bah, c'est vrai, les anards ont fait quelques dégâts en 14. Ont fait quelques dégâts. Mais en 14, combien de jeunes... Je reprends tout. C'est pas mal, ils ont fait quelques dégâts en 14. On va la garder quand même. Bon, ça va, ça va. C'est la répétition, je vous signale. Hein. Bon, c'est vrai, virgule. Les anards ont fait quelques dégâts, virgule. Mais en 14... Combien de jeunes sont partis fleurs au fusil et ont été vaporisés en poudre à canon sans savoir pourquoi, hein? Bon. Les lois scélérates interdisent de faire la publicité de la violence. Mais la loi couvre la violence policière, la violence dans les mines de charbon et à l'usine, la violence d'État, des guerres, des conquêtes coloniales, des bagnes et des prisons. Eh oui. En 1900, crier « Vive l'anarchie » dans la rue est passible de 5 ans de prison. Toute propagande anarchiste est assimilée à du terrorisme. La retranscription des débats au cours du procès est interdite dans la presse. Mieux, le simple fait de chanter une chanson anarchiste est passible de 5 ans de prison. Voilà. Et avec cette chanson-là, par exemple... Voilà. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'église. Et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner il faut avoir manteau et ruban en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau et ruban en sautoir. Nous en tissons pour vous, grande la terre. Et nous pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Et notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la tempête qui gronde. Et nous les canuts, nous n'irons plus nus. Non, nous les canuts, nous n'irons plus nous. Messieurs, la cour. Jacob Alexandre, dit Escande, dit Attila, dit Georges, dit Bonnet, dit Ferrand, dit Trompe-la-Mort, dit le voleur. Tous présents, monsieur le président. Levez-vous. Oh, bah non, vous êtes bien assis, vous. Ôtez votre chapeau. Bah non, vous êtes bien couvert. Êtes-vous d'accord avec vos co-accusés sur la récusation de tous vos jurés? Ah, je ne suis d'accord avec personne. Mes amis et moi ne reconnaissons pas le droit aux jurés de nous juger. Je les récuse tous, puisqu'ils sont tous mes ennemis. Je veux juste vous poser une seule question. Vos jurés savent-ils lire et écrire ? Je ne sais pas pourquoi. C'est tout ce que je voulais savoir. Je note que vous ignorez s'il y a des analphabètes parmi ceux qui doivent nous juger, donc lire les 20 000 pièces du dossier. Allô, ici Maurice Leblanc, le reporter du Gil Blas, qui vous parle grâce à ce nouveau moyen de communication, le téléphone. En direct du procès d'Amiens, nous pouvons examiner la tête du chef de cette redoutable organisation. Jacob est affreux, il a une tête diabolique, au milieu de laquelle percent deux petits yeux lumineux d'une vivacité extraordinaire qui donne à son visage une expression inquiétante. Ça me donne l'idée d'un personnage pour écrire un roman. Jacob, vous êtes originaire de Marseille. Oui, monsieur le président, et je m'en vante. Vous avez fait de bonnes études primaires. Gratuites et obligatoires. On a fait croire au peuple que c'est par souci du progrès social qu'on l'oblige à s'instruire. Mensonge, c'est pour en faire un singe savant, un esclave soumis aux volontés des patrons. Oh, ça va. Hein, on ne vous demande pas votre avis. Vous racontez ma vie devant tout le monde, j'ai mon mot à dire. Vous avez été marin. Les certificats de vos officiers sont généralement bons. J'ai vu le monde. Il n'est pas beau. Partout, une poignée de malfaiteurs dans votre genre qui exploitent des millions de malheureux. Vous avez été condamné une première fois à 6 mois de prison et 50 francs d'amende pour fabrication d'explosifs, le 13 octobre 1897. Une erreur de jeunesse, croyez-moi. La bombe, elle était trop petite pour détruire une aussi grosse association de malfaiteurs. Vous avez été condamné à 6 ans de réclusion par défaut par la cour d'assises du Var en 1899. Comment voulez-vous que je le sache puisque je n'y étais pas ? Vous avez fait opposition à cet arrêt. Puis, vous avez été interné à l'asile d'Aix pour être mis en observation. L'incohérence de vos actes laissait sous-entendre que vous étiez déséquilibré. Vous n'étiez qu'un simulateur. Vous avez joué une comédie à l'administration pour arriver plus facilement à vos fins, qui était l'évasion. Chacun se défend comme il peut. Comment ? Vous reconnaissez donc les faits ? Parfaitement, je sais ce que je fais. Je ne cherche pas à me disculper. Quelle est votre profession ? Entrepreneur de démolition. Où demeurez-vous ? Un peu partout dans le monde. Ici Leblanc. Le président fait taire Jacob comme un défilé de témoins et de plaignants qui lui servent de tête de turc et de cible qui commence. Je le reconnais. Oh là ! Bien qu'il ait quelque peu changé et maigri. Que voulez-vous, Cadol ? On n'engraisse pas en prison. Le plaignant, un certain monsieur Torquebrio, auquel fut soustrait 40 000 francs de titre. Jacob, vous avez aussi subtilisé un diplôme de docteur en droit. Que vouliez-vous en faire ? Je préparais ma défense. Je commençais mon droit. Faites entrer le témoin. Monsieur le maire, vous veniez témoigner d'un pillage d'une église à Rouen, c'est bien cela ? Oui, monsieur le président. Ces bandits ont inscrit dans l'église « Dieu Tout-Puissant recherche ceux qui t'ont volé » et c'était signé Attila. Veuillez m'excuser, monsieur le président, c'était signé « Dieu Tout-Puissant recherche les voleurs qui en ont volé d'autres ». Vous tenez à ce texte. Énormément. À propos d'un vol à Amiens, vous avez dérobé, entre autres, une flûte traversière. Jacob, qu'aviez-vous fait de cette flûte ? Vous l'avez sans doute vendue. C'est été dommage. J'ai eu plus de connaissances que cela de la valeur des objets. J'en ai donc fait don à un de mes amis qui voulait faire de la musique et qui n'avait pas le moyen de se procurer cet instrument. Ensuite, le président a introduit un autre témoin, un juge au Mans, monsieur Hulot. C'est le juge Hulot qui parle. Après m'avoir cambriolé, ils ont laissé des excréments partout sur mes meubles. Il y en avait partout. Et un billet ainsi conçu, à toi, juge de paix, nous déclarons la guerre. Signé Attila. Ma femme en est morte. Peu après, d'une congestion cérébrale. Ça prouve qu'elle avait un cerveau. C'est évidemment le chagrin que lui causa ce larcin qui fut la cause de sa mort. Ils m'ont volé mes richesses et tué ma pauvre femme. Oh, peu cher, on s'apitoie sur le sort de ce juge de paix capitaliste et l'on se trouve indifférent au sort de ces pauvres gens innocents qui se trouvent sur ces bancs. Revenons au cambriolage à Liège. Vous connaissiez donc quelqu'un à Liège qui vous a indiqué cette maison? Non. Je n'ai besoin de personne pour me guider. Partout où je vois des maisons particulières, des belles villas, je me dis, voilà mes clients. Partout où je vois des cheminées d'usine, je me dis, il y a du populo qui travaille, rien à faire. Nous ne sommes pas dans une réunion publique. Mais j'entends me défendre. On vous a laissé vous défendre hier, vous n'êtes pas en cause aujourd'hui, asseyez-vous. Je vais rester debout. Et tu n'as pas bougé. Tu as eu ce que tu voulais. Hein. Le procès de Jacob, c'était en train de se transformer en procès de la société. Ici, Maurice Leblanc, s'avance une dame de la haute société qui se plaint d'un vol dont elle aurait été victime. Un mouchoir de dentelle hérité de mon arrière-grand-mère qui vaut au moins 250 francs à lui tout seul. Ah, bah alors là, cocotte, je ne vous le fais pas dire. N'est-ce pas une insulte aux classes laborieuses? Oui, j'ai pris des mouchoirs. Mais c'était pour pleurer sur le sort de cette malheureuse qui possède 4 châteaux et qui ne sont pas en Espagne. Ah, on a l'air de les plaindre parce qu'on leur a volé quelques malheureux mouchoirs et on ne s'occupe pas de ceux qui n'ont pas de logis pour s'abriter. Jacob, ça suffit avec vos discours. Je veux me défendre. Je ne veux pas que vous m'envoyiez au bagne ou à l'échafaud comme un commissaire-priseur se débarrasse de quelques bibelots. Nous ne sommes pas des objets, mais des hommes. Bon, lors d'un vol à Évreux, celui-ci a été suivi d'un incendie volontaire. Bourg. Vous reconnaissez les faits? Oui, j'aurais voulu incendier le monde. Il n'est qu'un épisode de la guerre sociale. Si j'ai incendié la propriété de Madame Pestel, c'est qu'elle en avait une. Est-ce que les jurés maudissent la mémoire de ceux qui incendièrent le Palatinat? Quel procès a-t-on fait pour le sac du Palais d'été? Tous les jours, des armées incendient, non pas une maison, mais des villes entières. On applaudit à ses forfaits et l'on blâme Jacob parce qu'il est anarchiste, parce qu'il n'est pas un valet à gage des jurés et que ceux-ci s'aplatissent devant des brutes galonnées. Il serait sans pitié pour eux, ils peuvent l'être pour lui. Tu as eu une discussion sévère à propos d'un cambriolage. Oui, j'avais dit, monsieur le président, vous faites erreur. Pour ce qui est d'envoyer les gens à l'échafaud ou au bagne, vous êtes compétent. Mais en matière de cambriolage, vous ne m'apprendrez pas mon métier. Oh, c'est vrai qu'en la matière, vous êtes un maître. Plus de 150 cambriolages en moins de 3 ans, un par semaine, et la plupart en province, tiens... Au fait, pourquoi la province? Je faisais de la décentralisation. Maître Justal, vous avez la parole pour votre plaidoirie. Messieurs les jurés, monsieur le président, j'ai à faire tomber la légende. Jacob est un cœur violent et tendre, une nature compatissante et farouche à la fois. Fils et petit-fils d'alcoolique, son esprit a pu être troublé par les débats aigus qui agitent actuellement la société sur la légitimité de la propriété. Jacob, aigri pour la vie, par la vie, a fait du vol une fonction qu'il remplit avec passion. Il m'est apparu comme l'incarnation du génie du bien. Car loin de poursuivre comme but une existence opulente, il poursuit la pratique d'une doctrine qui fait que pour lui, voler signifie reprendre aux riches pour donner aux pauvres. Jacob vivait de peu, se considérant comme un redresseur de tort. On voit en effet à toutes les époques de l'histoire de ces types hallucinés traverser la société à la poursuite d'un lent idéal, bien avant que l'anarchie ait donné ses formules. Il y a au fond de ces êtres quelque chose que nous ne comprenons pas, une foi que nous ne pouvons saisir. Le président, après une longue accusation contre les complices de Jacob qui refusent de répondre aux questions, s'adresse à Pélissard, l'un des copains de Jacob. Pélissard, avez-vous quelque chose à déclarer pour votre défense? Oui, monsieur le juré. Le salaire est une survivance du servage. Que penser des pères de famille dont le pain quotidien est moins coûteux à des emplois... Je reprends. Que penser des pères de famille dont le pain quotidien est moins coûteux à des entrepreneurs que l'entretien d'une bête de traite? Le vol est une reprise légitime de possession au mépris des anathèmes des bourgeois. L'armée, c'est l'école du crime et du banditisme, où l'on enseigne constamment le pillage et l'art sauvage d'exterminer son semblable. La bourgeoisie, une association de malfaiteurs. Les prêtres, des filous à l'américaine, promettant contre finance un paradis de fiction. La presse bourgeoise, une meute aboyant au service de la police qui lui tolère ses rapines et ses chantages. La police, c'est le plus puissant moyen inventé pour rendre un peuple vil et lâche. La justice bourgeoise est une balance qui penche plus ou moins par un même fait selon que l'accusé est déshérité ou fortuné. Le budget est une énorme somme d'impôts prélevés sur la misère des peuples pour payer toutes ces monstruosités inutiles et régaler ces parasites qui font semblant de gouverner. Le mariage est le tombeau de l'amour. La chair veut être libre et capricieuse. L'anarchie est l'idéal sublime de ceux qui gémissent et la poésie des esprits féconds. Foutre Dieu, faites évacuer la salle. Vive l'anarchie, anarchie vaincra. Dansons la rabâchole, vive le son, vive le son. Dansons la rabâchole, vive le son de l'explosion. Dansons la rabâchole, vive le son, vive le son. Dansons la rabâchole, vive le son de l'explosion. Dansons la rabâchole, vive le son, vive le son. Dansons la rabâchole, vive le son de l'explosion. La vie m'a doublé. C'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, faut pas s'en mêler, j'suis un type à part. Une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard à graines d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demandait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme je n'en ai pas, faut lui dire pourquoi c'est jamais peinard. La graine d'ananas. La graine d'ananas. Potence d'oubli, l'oiseau fait son nid. Messieurs les corbeaux, passeront ma peau comme à l'étamie. Mais auparavant, j'aurai comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas. Le 24 juillet, tu as été condamné aux travaux forcés à perpétuité. J'ai embarqué à bord de la Loire, direction Alger, puis Cayenne. Tu partais couvert. Le président des Assises d'Amiens avait inscrit sur ton dossier « Bandit extrêmement dangereux au caractère froid et rusé à surveiller de très près » avec la mention « Meurtre » inscrite par erreur en gros sur un dossier qu'il t'a fallu 20 ans pour faire corriger. La dernière fois que j'ai vu ma mère, c'était le 11 novembre 1905. Elle est venue à Saint-Martin-de-Ré. Elle est montée sur l'échelle du bateau. Mais ils n'ont pas voulu me laisser l'embrasser. Tu as passé un quart de siècle, Bani, dont quatre au cachot. Oui, soit exactement la moitié de mon existence à la fin de ma peine. Ça t'a laissé le temps de lire les œuvres complètes d'Arsène Lupin. Oh non, bah, je connaissais déjà. J'ai lu Nietzsche, Spinoza, Diderot. Plus 17 tentatives d'évasion. à Cayenne. Mais elle est pas un peu poivrée celle-là, t'entends? 17 fois j'ai dit aux potes, salut les gars, ce coup-là c'est la bonne, adieu la vie, vive la belle. Et 17 fois, ça n'a pas marché. Non, je me suis évadé par les livres. C'est comme ça que je suis devenu professeur de droit criminel à la faculté des îles du Salut. Oh la belle, qu'est-ce que j'ai pu en rêver, la voir, la sentir là, quand je sentais le vent du large, la liberté. Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs. Dans l'île de Ré, à la ville m'attend ma mignonne, mais dans 20 ans, pour elle je ne serai plus personne. Mère d'un Vauban, bagnard je suis, chêne et boulet, tout ça pour rien, ils m'ont serré dans l'île de Ré. C'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant. Moi je vois se faner la fleur de l'âge. Mère d'un Vauban, bagnard ici, les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes. Dans l'île de Ré, à que jamais ne vienne celle que j'aimais tant. Pour elle j'ai manqué la belle. Mère d'un Vauban, bagnard la belle, elle est là-haut dans le ciel gris. Elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi je suis au mitard avec elle, tout en rêvant à notre amour qui est la plus belle. Mère d'un Vauban, bagnard le temps qui t'en s'allonge dans l'île de Ré. Avec ses poux le temps te ronge dans l'île de Ré. Où sont ses yeux et sa bouche? Avec le vent on dirait parfois que je les touche. Mère d'un Vauban, c'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir, et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant, mais je chanterai donc sous mes planches. Mère d'un Vauban, mère d'un Vauban. Pendant ce temps, Marie, ta petite maman, reste à Paris. Oui, elle ne m'a jamais lâché. Toujours elle s'est battue pour obtenir ma libération. Une mère, vois-tu, c'est l'humanité. Pendant 20 ans, elle a fait toutes les démarches sensées ou insensées pour obtenir une commutation de peine, une amélioration de régime, la grâce. Elle a même voulu partir à Cayenne. Ça, je le lui ai interdit, sous peine de plus la revoir. Elle a vécu en faisant des ménages, et elle a tant travaillé, elle s'est privée de tout pour quand son fils reviendra. Depuis ce jour, toutes mes pensées ont été pour revoir mon fils. Toutes les occasions étaient bonnes pour faire revenir mon fils. On a reproché à mon fils de ne pas se laisser faire, c'est-à-dire l'entière soumission qui fait le forçat. Quand on est un homme, même au bagne, on garde sa dignité d'homme. Je suis venue vous dire, sans aucune prétention, que mon fils est un homme. Je ne perdrai jamais l'espoir de revoir mon fils. Heureusement, le bagne a été supprimé en 1945. Oh, pas pour raison humanitaire, hein. Parce que les bagnards, ça coûtait trop cher. Mais je préparais ma 18e évasion lorsqu'en 1925... Une pétition est adressée au président Henriot et ta peine est commuée en 5 ans d'emprisonnement. Arrive enfin ta libération anticipée le 30 décembre 1928. Voilà, après 25 ans et 3 mois de service. T'aurais pu sortir 2 années plus tôt hein, si tu avais accepté de collaborer avec l'administration pénale. Ah, mais ça, il fallait dénoncer un camarade. Et ça, plutôt mourir que crever. Lorsque tu t'es retrouvé à Paris, après toutes ces années de bagne, à voir tes amis libertaires, tu as compris que les choses avaient changé depuis l'époque dite des anarchistes terroristes. Bah, j'ai reconnu personne. La dernière fois que j'avais vu Paris, il n'y avait pas de tramway, mais des voitures à chevaux. On s'éclairait au gaz. Il n'y avait pas de cinéma, pas d'avion, pas d'électricité. L'air sentait autrement. Mes amis de jeunesse étaient morts. La bande des travailleurs de la nuit s'était volatilisée. Les libertaires s'étaient recasés dans le syndicalisme, intégrés dans des centrales syndicales, et se battaient pour des petits pouvoirs. Certains s'étaient associés avec les bolcheviks pour défendre leurs avantages. Bon, c'est vrai que les libertaires sont les premiers à avoir dénoncé la dictature du prolétariat en Russie en... 1919. Plus tard, en 1937, tu as aidé les républicains espagnols. Bah, j'étais vendeur itinérant de lingerie, bonneterie, confection en tout genre. Ça pouvait aider à faire passer des armements aux milices libertaires espagnoles, mais c'était trop tard. L'œil de Moscou nous surveillait. Bah, tu dis ça, mais tu as le même regard sur le monde. Tu continues à t'intéresser. Oh ben, je lis les journaux, j'écoute la radio. Je vois les amis qui veulent bien venir me voir. Je suis forain. Ça me permet de vivre comme un vieux. Ouais, mais t'aurais pu t'enrichir au marché noir pendant la guerre. Ah, profiter de l'occupation pour vendre plus cher les produits de première nécessité, très peu pour moi. Au virage des bourgeois qu'avril bourgeonne, pour que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit-il, c'est que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honte. Elle n'eut de souhait, impossible elle n'eut. Aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie. Toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. N'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possède pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti 10 ans. Pour les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller, lentement un grand vol en forme de triangle arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol. Regardez les passés, eux ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu par-dessus mont, et bois et mer et vent, et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompue, et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, jeune oie édifiante, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux. Et le peu qui viendra, deux à vous c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, jeune oie édifiante, rien de de vous ne pourra monter aussi haut que, et le peu qui viendra, deux à vous c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Qu'espérer encore à cet âge? Rien, sinon l'amour fou. Joe a 26 ans. Elle est mariée et de 50 ans sa cadette. N'importe. Jacob passe l'été 54 en son érotique compagnie. Allez, va-t'en. Tu as toute ta vie pour toi. Je te demande un an. Une seule petite année pour rester ensemble, encore. Oui, mais après, ce sera la belle, hein, pour toujours. On aura un an, tous les deux. Une année, quand les autres ont toute une vie, cette année, ce sera notre éternité. Ayant minutieusement préparé son coup, comme autrefois il préparait ses cambriolages, Jacob solde ses comptes avant d'échéance. En se piquant par intraveineuse. Samedi 28 août 1954, à 75 ans, à la fin d'une vie très courageuse, Alexandre Marius Jacob, dit Escande, dit Attila, dit Georges, dit Bonnet, dit Ferrand, dit Trompe la mort, dit le voleur, décide en toute liberté de partir. Pas sur un coup de tête. Ce projet était réfléchi depuis un moment. Il sentait la vie s'en aller et, voyant se profiler la fin, il préférait choisir. En affirmant sa dignité d'homme à laquelle personne, pas même le bagne, n'avait réussi à le faire renoncer. Maître sans conteste de sa propre vie, il l'est resté jusque dans la mort. Il a passé une nuit tranquille. Ce samedi-là, à l'aube, il a étalé une couverture et des draps sur son lit. Il y a couché Négro, il lui a pris la patte, il a enfoncé l'aiguille, lui faisant cadeau de la moitié de la morphine. Ensuite, il a vérifié que le feu de charbon de bois allait dégager suffisamment de gaz carbonique. Au moment de s'allonger, il a eu un petit remords. Il a pris un bout de papier et dessus, il a griffonné « Linge lessivé, rincé, séché, mais pas repassé. J'ai la cosse, excusez. Vous trouverez 2 litres de rosée à côté de la panetterie, à votre santé. » Le chien Négro a été retrouvé vivant, mais Jacob, lui, n'a pas manqué cette ultime évasion. Merci Marie-Vonne. Merci Philippe. Merci May. On va pas se quitter comme ça. On va laisser May nous chanter une dernière chanson en hommage à Alexandre Marius Jacob, en hommage à Marseille aussi, avec une chanson de Léo Ferré, pas très connue d'ailleurs, et qui s'appelle « Ma Marseillaise ». Prenez une grue sur le vieux port, avec les dents longues comme la faim, et qui dégrave tous les marins, qui ont l'âme chagrine et le cœur d'or. C'est à Marseille que je vais la voir, quand le soleil se fout en tweed, et que le Mistral joue les caïdes, c'est à Marseille qu'elle traîne le soir. Elle a des jupes embarquées, tous les chalands qui traînent la nuit, et des froufrous qui font tant de bruit, qu'on les entend du bout du quai. Suffit d'y mettre un peu de soie, au fond, c'est une putain qui aime que la braise, et moi je l'appelle la Marseillaise, c'est bien le moins que je lui dois. Arrête un peu que je vois, si tu fais le poids, si j'en aurais pour mes galons. Arrête un peu que je vois, et puis que j'abreuve tous vos sillons. et tu me diras combien je te dois. Je connais une grue dans mon pays, avec les dents longues comme le bras, et qui dégrave tous les soldats qui avaient la mort dans leur fusil. C'est à Verdun qu'on peut la voir, quand les souvenirs se foutent en prise, et que le vent d'Est pose sa valise, et que les médailles font le trottoir. Elle a une voix embarquée, tous les traînes putains qu'elle rencontre, et il paraît qu'au bout du compte, ça en fait un drôle de paquet. Suffit d'y mettre un peu de soi, au fond c'est une chanson française, mais qu'on l'appelle la Marseillaise, ça fait bizarre dans ces coins-là. Arrête un peu que je vois, si t'as de la voix. Si j'en aurais pour mes galons, arrête un peu que je vois, et puis que j'abreuve tous vos sillons, et je vous dirai combien ça fait. Je connais une grue qui a pas de principe, les dents longues comme un jour sans pain, et qui dégrave tous les gamins, fumant leur vie dans leur casse-pipe. C'est dans les champs qu'elle traîne son cul, où il y a des croix comme des oiseaux, des croix blanches plantées pour la peau des autres bien entendu. Celle-là on peut jamais la voir, à moins d'y voir les yeux fermés, et le périscope dans les trous de nez, bien allongé sous les boulevards. Suffit de leur filer quatre bouts de bois, de faire leur lit dans un peu de glaise, et de leur chanter la Marseillaise, et leur faire une belle jambe de bois. Arrête un peu tes cuivres et tes tambours, et ramène-moi l'accordéon. Arrête un peu tes cuivres, que je puisse finir ma chanson, le temps que je baise ma Marseillaise. Merci. Merci pour Léo. Pour la route. Une que t'es prévue, qu'on n'a pas chantée. Il était né près du canal, par là dans le quartier de l'Arsenal. Sa maman qui avait pas de mari, l'appelait son petit Henri. Mais nous, on l'appelait la filoche, à la bastoche. Il faisait pas sa société, du génie de la liberté. Il était pas républicain, il était l'ami du rouquin et du petit homme à la méloche, à la bastoche. À cette époque-là, c'était le bon temps, la méloche avait 18 ans et la filoche était rupin. Ils allaient des soirs en sapin. Il avait du jonc plein sa poche, à la bastoche. Mais ça peut pas durer toujours, après la saison des amours. C'est la mise tout fait ben souvent, faut se les caler avec du vent. Filer la comète et la cloche, à la bastoche. Un soir, qu'il avait pas mangé, qui rôdait comme un enragé, il a pour barboter le quibus d'un conducteur des omnibus. Crever la panse et la sacoche, à la bastoche. Et sur la bascule à Charlot, il a payé sans dire un mot. À la roquette un beau matin, il a fait voir à ceux de Pantin comment que ça veut mourir en broche, de la bastoche. Il était né près du canal, par là dans le quartier de l'Arsenal. Sa maman qui avait pas de mari, l'appelait son petit Henri. Mais nous, on l'appelait la filoche, à la bastoche. gauche. Pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure, les hommes. Font leur petit jeu horizontal, leur petit siphon, leur deux babales. Peuvent jouer à la bataille navale, les hommes. Font leur petit sceptre dans leur culotte. Font leur périscope sous la flotte. Font le bâton ou la carotte, les hommes. Et au nom de ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des mioches, les hommes. Ils se racontent leurs conquêtes, leurs péripéties de braguette, dans de gros rires à la buvette, les hommes. Ils se racontent leur guéguerre, leur nostalgie de militaire, une larme à la paupière, les hommes. Virilité en bandoulière, orgueil roulé en bande moltière, agressivité en œillère, les hommes. Ils te traiteront de pédé, de gonzesse, de dégonflé, à moins que tu ne sortes de hors-cité. Un homme. C'est en 93, je crois, qu'ils ont tué la femme du roi et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'ils décapitent en silence les femmes d'ailleurs et de France. Les hommes ont abattu les Tibétaines, casser les africaines, sont indignés les indiennes, les hommes. Ont mis le voile aux algériennes, la chasteté aux châtelaines, et le tablier à Mémène, les hommes. Excusez-moi, mais elle me gratte, ma pauvre peau de phallocrate, dans la région de la prostate, les hommes. Excusez-moi, mais je me tire, sans un regret, sans un soupir, de votre mafia, votre empire, des hommes. À chacun sa révolution, aurais-je seulement un compagnon qui partage l'indignation d'un homme. À chacun sa révolution, aurais-je seulement un compagnon qui partage l'indignation d'un homme. De Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur ces guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore. Sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant « Hippipipoura ». Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle. Ceux qui passent à sa portée, il tombe, tombe, tombe, tombe. Et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deniaux, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Regardez-les défiler, ils n'ont pas su dire non à la voix du canon. Ils s'en vont sans savoir ce qu'ils font. Regardez-les défiler, dans quelques jours ils auront des fusils, des canons. Ils tueront croix d'honneur, croix de bois. On ne sait jamais pourquoi, mais voilà, on remet ça. Là, on leur a dit que c'était la dernière guerre. Ils sont partis sans un mot, mais ils n'y croient guère. Regardez-les s'en aller, dans quelques jours ils auront des tambours, des clairons. Ils tueront sans savoir ce qu'ils font. Regardez-les s'en aller, dans quelques jours ils auront des fusils, des canons. Ils tueront croix d'honneur, croix de bois. On ne sait jamais pourquoi, mais voilà, on remet ça. La vie, l'amour, les chansons n'ont pas de frontières. Nous sommes tous les enfants de la même terre. Mon ami, c'est pour la dernière fois, on dit ça et voilà. Pour le droit, pour la loi, on remet ça. Prends ton fusil, mon ami, si tu savais t'en servir, tu pourrais t'affranchir. Pour le droit, pour la loi, mais voilà, on ne sait jamais pourquoi ces choses-là ne se font pas. Regardez-les défiler. Regardez-les défiler, regardez-les, regardez-les. Moi j'en ai pour toute la nuit comme ça. C'est 50 ans que je répète. Hein. C'était Léo Ferré. C'est une vieille, hein. Toi, t'es jeune, mais ça, c'était une vieille. Je pense que c'est C'était la dernière.